There's an unseen world that we can share. We know that something is out there. We're trying to reach another stage. We can feel the coming of another age. The establishment has no answers. The music is for mindless dancers. But we want to use our brains. This world is driving us insane. Ascension to a new dimension, reach a higher plane. Ascension, there are new bell dimension. Do the shows, the song, pearly man. We're seeking invention, that is our intention. We're seeking a mention. We're seeking attention. The establishment has no answers. The music is for mindless dancers. We want to use our brains. This world is driving us insane. Ascension to a new dimension. Reach the higher plane. Ascension, there are new bell dimension. Do the shows with some pearly men. Ascension to a new dimension. Ascension, there are new bell dimension. Do the shows with some pearly men. Ascension. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, une émission un peu particulière. Elle démarre avec Tim Hunter, puisque Tim Hunter sera en concert dans nos murs, plus précisément à la Tour du Pin, le samedi 22 mars. Samedi 22 mars à 20h30. Participation des frais, comme on dit, 10 euros tout simplement. Tim Hunter sera accompagné par votre humble serviteur dans ce duo donc infernal qui mélange le répertoire de Tim et le répertoire de Silver Lining, d'où le nom Silver Hunter. Et nous avons invité des amis et des invités et des musiciens prestigieux. Je pense notamment à deux musiciens d'Enead. Voilà, également nous avions le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir Dominique Barboyon d'Exvagus qui malheureusement ne pourra pas se joindre à nous, mais il sera avec nous de tout cœur. Donc une soirée vraiment très très spéciale, ne ratez pas, à 20h30 à la Tour du Pin, à côté de la Tour du Pin, un petit village qui s'intitule Le Passage. Voilà, c'est 22 mars et donc très très bientôt. Come with me to my stage, deep in the woods, and just sing one song with me. It will sound so good. We'll be slaughtered down the altar of rock and roll. To the devil and altar. So if you go down to the woods, beware of rock and roll. If you are a folk singer, you just might lose yourself. Take his hand and say, Un morceau de Silver Lining qui sera interprété donc lors de cette soirée. Tell me why I love you so. Oh, tell me why. del seno mentre corri a valle. Con il tuo branco ai pozzi le labbra secche vieni a dissetare. Oh, shit. Il s'appelait Francesco Di Giacomo. Francesco Di Giacomo. Les amateurs de rock progressif ont reconnu Banco, le chanteur de Banco, Banco del Mutuo Soccorso. Eh bien, il nous a quittés il y a une quinzaine de jours dans un accident idiot, bête, un accident de voiture à Rome. Il avait 67 ans. Ce qui est très dur quand on perd quelqu'un, c'est à la fois le vide, le manque, mais c'est aussi de parler de lui au passé. Ce soir, on parlera au présent avec une rétrospective de Banco et à travers Banco de Francesco Di Giacomo, qui était chanteur et également auteur des paroles, des lyrics. Banco, grand groupe progressif au même titre que PFM et Le Orme, et grand groupe progressif qui a démarré en 69 et qui tout de suite embraye avec deux superbes albums en 72, Banco tout simplement, avec une Banco del Mutuo Soccorso, avec une tirelire en forme de sein, comme on en trouve très souvent en Italie, et ensuite Darwin. En 72 également, avec une, comme on a pu le noter, une maturité, une inventivité incroyable pour un groupe, jeune groupe de cette époque. Lequel groupe a une carrière pléthorique et s'est amusé en 91 eh bien, à ressortir, réenregistrer le premier et deuxième opus, Banco del Mutuo Soccorso et Darwin. Et je vous fais une petite étude comparative. On va écouter à nouveau R.I.P. Rest in Peace avec donc la nouvelle version de 91 tout de suite. Sitting on the road, so vento, il vento, il tuo sguardo è rimasto appeso al cielo, negli occhi c'è il sole, nel petto ti resta un pugnale e tu non scaglierai mai più la tua lancia per ferire l'orizzonte, per spingerti al di là, per scoprire ciò che solo Dio sa. Oh, madre, resterà soltanto il dolore, il pianto che tu hai regalato per spingerti al di là. Ça joue tout de suite. Extrait comparatif aussi avec Darwin, version 91. Même morceau que sur l'album de 72. L'acqua inghiotta il sole, ti danza il seno mentre corri a valle, con il tuo branco ai pozzi, le labbra secche, vieni a dissetare, cuore prosteso dai larghi fianchi, nell'ombra sto pure a vederti. Possederti. Mm. tengo il respiro. Se mi vedessi, fuggiresti via. E pianto l'unghie in terra, l'argilla rossa mi nasconde il viso, ma vorrei per un momento stringerti a me qui sul mio petto, ma non posso, fuggiresti, fuggiresti via da me. Io non posso, posso sederti, io non posso, fuggiresti. Possederti, anche per una volta sola. Se fossi mia davvero, di gocce d'acqua vestirei il tuo seno, poi sotto ai piedi tuoi veli di vento e foglie stenderei, corpo chiaro dai larghi fianchi ti porterei, verdi campi danzerei sotto la luna, danzerei con te. Lo solamente vuole, ma il labbro in erba non sa dire niente. Se fatto scuro in cielo, già ti allontano. Resta ancora bene, mia davvero, o forse vero, ma chi sono io, uno scimmione, senza ragione, uno scimmione, fuggiresti. Tu fuggiresti. Tu fuggiresti. Les claviers magiques des frères Nocenzi et la voix fabuleuse de Francesco Di Giacomo. C'était la recette du grand banco qui nous a enchantés pendant les années 70 et aussi 80 et 90. Le groupe continue après ses deux albums en 72 avec un troisième qui est du même tonneau. Io sono nato libero, je suis né libre. Vous allez voir, c'est aussi somptueux. Tout de suite sur le 100.7 Sol et ses prog à part l'émission du rock progressif. Un hommage spécial à Banco et notamment à Francesco Di Giacomo. Viva la mia gente, vive, vive! 1975, c'est l'aventure internationale. Banco, au même titre que PFM, sort de la péninsule pour aller conquérir le marché anglo-saxon. Et c'est une signature chez Manticore carrément, le label d'Emerson, Lake & Palmer. Manticore qui signe donc à la fois Banco et PFM. Banco, pour ce qui le concerne, un album qui s'intitule Banco, qui restera célèbre par la couverture où on voit Francesco lancer une chaussure en l'air. Une compilation, plus qu'une compilation, une reprise totale des principaux morceaux des deux premiers albums en version anglaise, tout retravaillé, c'est du pur cristal. Tout de suite, un extrait de cet album intitulé Banco, tout simplement, sorti en 75 et réédité l'année dernière par nos amis d'Ésotérique. Is the night wake me? It's too early. Let me keep on sleeping deep into this slumber. Sleep that's peaceful as a baby's. Sleep that's roaring like a drunk who snores like thunder. We'll be right back.

As in the Last Supper, album sorti en 76, album sorti également chez Manticore, le premier véritable album chez Manticore de 76 et de Banco, Come in un'ultima cena, avec la scène de Jésus-Christ et des apôtres en couverture, Il Reino de Spider, l'araignée, un morceau phare qui sera repris régulièrement par le groupe. On continue avec Canto di Primavera. On va retrouver ce côté, comme dit Alain Chiarazzo, ce côté jouissif, gai du rock progressif italien, avec Il Banco qui date de 83, naissance de mon fils, petite parenthèse. Banco, c'est l'album avec le voilier, ça s'appelle Banco tout court. On tombe vers des choses un petit peu plus pop, mélodique, mais ça reste quand même du bon banco. Et j'en veux pour preuve ce morceau qui a eu son heure de succès, son heure de gloire, Moby Dick. Sai da dove l'odore degli zingari è come il mare e primavera è oltre il suo cielo chiaro non porta più leggende da raccontare ma ti sorprende come una malattia. La primavera è altro che un cielo chiaro. È grandine e veloce sui tuoi pensieri, ti cresce all'improvviso dentro la testa e scopri che hai bisogno di questo sole e non ti fa paura la sua allegria, ma ti sorprende come una malattia. Dai ram ballai ram vai, dai ram ballai ram vai, dai dai dai ram ballai. Dai ram ballai ram vai. Dai ram ballai ram vai, dai dai dai dai vai. Arriva all'improvviso, arriva come il mare e non sai mai da dove. Arriva come il mare, arriva all'improvviso e non sai mai da dove. Arriva come il mare, arriva lì. Après cet extrait du chant du printemps, Canto di Primavera de 79, voici donc Banco, tout simplement une pochette blanche avec un voilier et le fameux Moby Dick. Et ceci, cet album date de 83. Saranno tutti gli amanti che hai. Dolce Moby Dick, nessuno t'ha baciata mai. Grande Moby Dick, regina madre, segui le stelle che sai. Darti della croce del sud, la caccia non finisce mai. E danzerai sulla stella marina, e danzerai col petto cuore la luna, che quasi dietro te non tornò mai più. Hey! avant-dernier album de Banco, puisque l'album studio, le dernier album studio en date s'intitule 13 et il sortira en 1994. On a pu noter au passage que Banco, comme ses grands frères Yes et Genesis, subit la même influence au tournant des années 80, c'est-à-dire se tourne vers des choses plus mélodiques, plus accessibles. Banco, ce n'est pas qu'un groupe de studio, c'est également un groupe live. Et si je le souligne, c'est que le groupe était particulièrement brillant. Il savait revisiter ses grands classiques. Donc, large extrait ce soir de Banco en public avec un premier témoignage de 75, Segundo Le Tracce. Voilà, je vous laisse écouter tout de suite Banco live. Grazie, grazie. Capolinéa est un album sorti en 79, un album de 79 que j'aime bien parce qu'il a un côté live funky qui dérange, qui est en tout cas très original. Et donc je vous passe le morceau qu'on a pu entendre tout à l'heure. Je ne sais pas le dire en italien, donc 750 000 d'années faire l'amour. Voilà le titre en français. Et donc vous allez voir une version qui laisse pas indifférent. Solamente vuole, ma il labbro inerte non sa dire niente. S'è fatto scuro in cielo, già ti allontani, resta ancora bere. Mia del fiero, a fosse vero, ma che sono io, conosci il mio re, senza ragione, senza ragione. Senza ragione, uno scimmione, fuggiresti, fuggiresti, fuggiresti. Le même morceau, cette fois-ci dans Nudo, double album live, sorti en 97, un pur cristal, tout de suite.

senza ragione uno scimmione. Fuggiresti, fuggiresti, fuggiresti via da me, uno scimmione senza ragione. Fuggiresti, oui, un grand monsieur nous a quitté, 67 ans, et Vittorio Nocenzi, le superbe claviériste, doit s'en sentir bien seul, surtout depuis 86 que son frère est parti. Donc il est le seul à assurer les claviers sans Francesco. L'avenir de Banco. On va terminer avec une version encore et encore de ce même morceau. J'en fais une fixation, non, je pense que c'est une étude intéressante de comparer le même morceau public en anglais et différentes versions, etc., à travers les années. Toujours 750 années fa l'amore, anni fa l'amore, et donc dans un album de 2003 qui s'intitule No Palco. No Palco, c'est de 2003. Già la guendio del sole ti danza il seno mentre corri a valle con il tuo branco e pozzo le labbra secche vieni a dissetare corpo steso dai larghi fianchi nell'ombra sto qui a vederti. Sederti sì, sederti, fuggiresti via e pianto lunghi e interi l'argilla rossa mi nasconde il viso ma vorrei un momento stringerti a me sul mio petto mando un posto sederti. Anche per una volta solo. fosse mia davvero. Di gocce d'acqua vestirei il tuo seno, poi sotto ai piedi tuoi peli di vento e foglie stenderei corpo chiaro, dai larghi fianchi ti porterei in verdi campi e danzerei sotto la luna, danzerei con te. Labbro inerte, non sa dire niente. S'è fatto scuro in cielo, già ti allontani, resta ancora bene. Mia davvero, non fosse vero, ma chi sono io? Uno scimmione senza ragione, senza ragione, senza ragione, ma lo scimmione. Fuggiresti, fuggiresti, fuggiresti via da me. Uno scimmione senza ragione, ma non è nel mio. Ciao Francesco, grazie mille. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est la fin, je disais, donc, de cette émission dédiée aux chanteurs de Banco, Banco del Mutuo Soccorso. Je vous donne rendez-vous le 7 avril pour une émission un petit peu plus normale. 7 avril, donc, pour l'émission de Prog à part du mois d'avril, comme son nom l'indique. D'ici là, eh bien, j'espère vous voir nombreux à cette petite Fiera, Fiesta, ce bœuf, non pas bourguignon, mais progressif, qui a lieu le 22 mars autour de l'avenue de Tim Hunter. Tim Hunter, donc, avec des guests et ses friends, qui viendront interpréter, donc, des morceaux de Tim Hunter, des morceaux de Silver Lining, ainsi que des classiques du prog, tout ça près de la Tour du Pin, au lieu, au petit village Le Passage. C'est le samedi 22 mars. À partir de 20h, 20h30, c'est 10 euros l'entrée, vous voyez, vous n'allez pas vous ruiner, je pense que vous allez vous régaler. Voilà, je remercie au passage l'ami Olivier pour son soutien moral. Cette émission vous a été proposé, présenté par Thierry Sportouche, votre humble serviteur, et la réalisation technique ce soir de HQ de haute qualité par le sieur Roland Rock, qu'il soit remercié. Vous trouverez assez rapidement, je le suppose, cette émission comme d'habitude sur le site d'Acid Dragon en podcast que vous pourrez écouter, réécouter sur votre lecteur MP3. Voilà, et on conclut avec un petit morceau du dernier album de Banco en studio qui date de 94 et cet album s'intitule 13. Questa è una notte vera.